طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل مباشرة في درسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كلام الله. لا سيلي بارابور صفة كلام بعد الله سبحانه وتعالى. قال: من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses sifat, qu'il parle d'une parole qadim. Lorsqu'il dit qadim, il veut dire en fait sans précédent, que rien n'a devancé. Kafil koli, antal awwalu laysa qablaka shay'un. Tu es le premier, hein, qui ne t'a devancé. Le frère Hafizallah Bilal Abu Abdillah al-Faransi, qui est actuellement à Djibouti, qui écrit une risala, dans lequel il a fait un bahth, dans lequel il dit qu'il est qadim, ou plutôt al qadim li samina asma'illah. Naam, je rectifie, al qadim li samina asma'illah. Donc c'est un kalam qui fait entendre à qui il veut parmi sa création. Sami'u Musa alayhi salam minhu min ghayri wasita wa sami'u Jibril alayhi salam ومن أذن له من ملائكته ورسله. Donc parmi ceux qui ont entendu son kalam, il y a Moussa alayhi salam. Alayhi salam, d'ailleurs, qui était nommé Kalimullah, comme on dit dans le hadith, fil shafa'a, lorsque les gens sont rendus auprès des anbiya, ils sont partis voir Ibrahim, il a dit: alaykum bi Moussa fainahu Kalimullah. Allez voir Moussa, qui est celui à qui Allah a parlé. Et après, quand ils sont partis le voir, ils ont dit: ya Moussa, anta rasulullah wa nabiyuhu. C'est quoi dans l'œuvre du hadith? Stafaka Allahu bi kalami wa risalati ala nas. Que Allah est élevé et par sa parole et par la risala. Donc Allah lui a parlé directement. Comme a dit Zalik fi surat Toha, c'est ma qu'Allah Allahu azza wa jal, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Que je t'ai choisi, donc écoute ce qui t'est révélé, ce qui est révélé. Donc il lui a parlé sans intermédiaire. Par Kazalik, Jibril l'a entendu. Jibril l'a entendu car c'est lui qui faisait descendre le wahi sur le anbiya, comme a dit Allah Azawajal, Kul nazzalahu ruh al-Qudus min Rabbika. Dit, il l'a fait descendre, c'est-à-dire le wahi, le souffle, ruh al-Qudus, c'est Jibril alayhi salam, de la part de ton Seigneur. Et autres parmi ces malaïka et ces messagers. Parmi eux, il y a Adam, à qui Allah il a parlé directement, Kazalik. Naam. Ou à Kazalik, Ayoub, parmi les Adillah. Et autres que, dont je ne me rappelle pas sur le moment. Wa qala, rahmallahu ta'ala. وكذلك الكلام on a oublié de dire c'est une صفات الله الفعلية car Allah il parle quand il veut, hein, comme il veut. وكذلك une صفات الذاتية car même si il parle à un moment et pas à d'autres, cette صفات là elle est tout le temps attribuée. ما زال يعني متصفا بهذه الصفة. ثم ذكر من الأدلة وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم ويزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم مؤمنون يوم dans l'au-delà lorsqu'ils vont rendre compte. ليس منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. Qu'il n'y a aucun d'entre vous sans que ne parle son Seigneur lui parlera et qu'il n'y a entre deux aucun interprète. Et eux lui parleront également. Et ils lui rendront visite. Donc Allah Ta'ala, dans le sens où il dit, et Allah a parlé à Moussa Taklima, de vive voix. Wa kallama Allah Moussa Taklima. On avait pris la faïda dans Al-Mumti' Taklima. C'est un. La. C'est un mafou mutlaq. Mafou mutlaq. D'accord? Et c'est un mafou mutlaq. Oui, le لفظي يعني حسلات تنصب دو فيرب اي لو مفعول مطلق كما هو معلوم يعني سي مصدر كي فيان بو كونفيرمي لا شوز ديال البيان وقوع الفعل يؤكد لفظ عامله يكونفيرم ويرفع المجاز ويثبت الحقيقه كما قال ابن هشام في القطر qu'il enlève tout, tout côté de majeur, c'est-à-dire côté métaphore, imagé, et qu'il affirme la réalité. C'est-à-dire qu'Allah a vraiment parlé à Moussa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, « Ya Moussa, nistafaytuka ala nas, birisalati wa kalami. » Ô Moussa, je t'ai certes purifié, élevé sur les gens avec mon message et ma parole. Donc Allah azza wa jal, « Wa minhum man kallam Allah. » Parmi les messagers, certains à qui Allah il a parlé. قال سبحانه وتعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب qu'il n'y a aucun être humain à qui Allah n'a parlé ce n'est par la révélation ou alors à travers un voile. Donc là il dit يكلمه الله, que Allah lui parle. وقال سبحانه وتعالى ولما اتاها نودي يا موسى Inni ana rabbuk. Lorsque Moussa est venu, c'est-à-dire auprès du feu, il fut appelé au Moussa. Je suis certes ton Seigneur. Wa qala subhanahu wa ta'ala, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni. Wa ghayr ja'izin an yakula hadha ila Allah. Que Allah, dans le sens où il dit, certes je suis Allah, nulle divinité digne d'être adorée en dehors de moi, alors adore-moi. Et ça, il n'est pas possible que autre que Allah ait dit cette parole-là. D'accord ? Ce n'est pas possible. Un Allah, personne ne peut le dire à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Comme on l'a pris dans le hadith. Donc, il est Tawhid que lorsque Allah parle avec la révélation, sa voix et entend, les gens du ciel entendent sa voix. Et il fut rapporté cela également par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a bien dit Samia Sautahu, c'est-à-dire que Allah il parle avec une voix. D'accord ? Et il parle, et ce avec quoi il parle, c'est avec des lettres. Abi Saut wa Huruf. Et Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, قال أن من نفى كلام يعني كلام الله ففي الحقيقة ينفي رسالة من جميع الرسل لأن القصد منها هو نشر كلام الله الذي لا يعرف به ما يجب على الإنسان أو plutôt الذي يعرف به ما يجب على الإنسان qu'il a dit en réalité celui qui refuse qui renie cette sifat c'est comme s'il refusait le message de tous les messagers. Car c'est quoi le but de ce messager ? De rapporter justement cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celle par laquelle on peut connaître ce qui nous est obligatoire. Donc celui qui dit Allah, il ne parle pas, et c'est comme s'il dit que le messager, ce qu'il rapporte, ce n'est rien du tout. Kulluhu mabni ala maza ala nash kalamillah. Les kitab, les kutub munazzala, qu'est-ce qu'ils contiennent ? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le wahi qui est apporté au messager, au anbiya, c'est quoi ? Il vient d'où ? Le kalam d'Allah. Azahu. ثم قال من الأدلة وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة غراة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان روى أئمة واستشهد به البخاري النبي صلى الله عليه وسلم il a dit que Allah rassemblera les gens les serviteurs يوم القيامة qui seront nus et pieds nus et qui les appellera d'une voix qui sera entendue par même ceux qui seront loin et ceux qui seront proches. Et il dira, je suis le roi, je suis le Dayyan. Et ce hadith, l'imam Bukhari l'a pris en stashhada bihi, en shahid. Et fil haqiqa, al-Albani, hassanahu li ghayrihim. Il dit qu'il est hassan li ghayrihim, le hadith. Et également, le Bukhari, donc, il a rapporté dans l'Adab al-Mufrad, comme nous dit Cheikh Othaymine plus bas. Naam, on fait part de l'Athar. Et ce Athar rapporté, c'est parmi les Israéliyat, comme on l'a dit Cheikh Al-Islam. L'animal Yazbout. On a un authentique qui nous le confirme. Anna Moussa alayhi salam, laylata ra'a ad-nar, fahalata, wa fazi'a minaha. فناده ربه يا موسى فأجاب سريعا واستأنى استئناثا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت فقال أنا فوقك وأنا أمامك عن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى قال فكذلك أنت يا إلهي ف أفكلامك أسمع أم كلام رسولك فقال بل كلامي يا موسى. Donc dans ce Athar qui a été rapporté, qui n'a rien d'authentifié dans notre religion, ni chez les musulmans, que lorsque Moussa a vu le feu, le soir il a vu le feu, il a eu peur. Ensuite son Seigneur l'a appelé, il a dit Ya Moussa. Et Moussa alayhi salam lui a répondu automatiquement après avoir entendu le son de sa voix. Il a dit, je réponds à l'appel. J'entends ta voix, mais je ne vois pas ton lieu. Où est-ce que tu es? Et il dit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il rapporte, je suis au-dessus de toi, devant toi, à ta droite, à ta gauche. Donc là, Moussa a su que cette sifat ne revenait que à Allah. Donc après, il a dit, il en est ainsi, ô toi, ma divinité, est-ce ta parole que j'entends ou celle de ton messager? Il dit, c'est plutôt ma parole que tu entends au Moussa. C'est ma parole que tu entends au Moussa. Donc ce Athar, Mayazbut, Tamam, et Walau Sabat, le fait qu'ils disent, je suis au-dessus de toi, devant toi, ainsi de suite, Hada Mayadul ala anna Allah fi kulli makan. Là. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'Allah est partout. On sait qu'Allah est partout avec nous par sa science. Waqad yakun kazalik bimarna al-ma'iyya al-khassa, qu'il est avec toi. La ma'ayak est avec toi de façon spécifique, c'est-à-dire il t'entoure, il te soutient. Et non pas un omoujou bizatihi par son essence, par sa présence en lui-même. Donc le shir, il dit également par rapport au fait qu'il dit Kalamullah ta'ala qadim. On l'avait dit au début, qadim, qui est traduit par ancien, mais bon, voilà. Ça veut dire que Anna Allah la yazal wa la yazal mutakalliman laysa al-kalam hadithan minhu ba'd an lam yakun. C'est-à-dire que Allah a toujours parlé. Et ce n'est pas qu'avant il ne parlait pas, après il s'est mis à parler. Que cela est venu en cours par la suite. C'est que c'est une chose qu'il a toujours eue. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'il parle tout le temps? Déjà fait hadith, وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَوَا رَحْمَتْ لَكُمْ رَيْلَنِسِيَنْ. Qu'est-ce que Allah, sur quoi il s'est tu? D'accord? Ce n'est pas miséricorde pour vous et non pas par oubli. Après, il y a un relève par rapport au soukout dans ce hadith-là. Est-ce que c'est le soukout qui ne parle pas ou soukout dans le fait que la chose n'est pas évoquée? Donc, cette sifat du kalam, elle est liée à sa mashi'a. Quand il veut, il parle. Et il parle comme il veut. Après, les Ash'ariyya, eux, ils disent quoi? Que le kalam d'Allah, c'est un kalam qui est nafsi, c'est-à-dire intérieur, et qu'ensuite, il est retransmis, exprimé à travers les messagers. Car eux ne voient pas les sifat fi'liya. Ils ne voient pas les sifat fi'liya. Donc ils disent le kalam d'Allah, c'est une chose qui est en lui, pas en lui parce qu'ils ne disent pas nafs, mais c'est une chose qui est. Son kalam, c'est une chose qui reflète ce qu'il veut faire comprendre. On va dire à la créature. Ce n'est pas une parole comme nous, on aurait une parole dans le sens où il y a un son, il y a une voix, il y a des lettres. Car pour eux, il ne revient pas à Allah de parler, car faire parler Allah, le faire ressembler à sa créature, comme tu le sais. Donc on dit ça, ce n'est pas vrai. Du fait d'attribuer, de dire que le kalem inclut forcément un tashbih, et que cela n'émane qu'avec une langue ou avec Rel Zalika, يوم القيامة nos membres vont témoigner de nous. Nos membres vont témoigner de ce qu'on a fait. Est-ce que nos membres, ils ont des langues? Est-ce qu'ils ont des bouches? Et si Allah, il veut, il fait parler. Donc, que dire de celui qui fait parler? De lui-même, qu'en est-il? Donc, l'Adam et l'Azam. Forcément, qu'il y ait une bouche, qu'il y ait une langue, qu'il y ait une mâchoire. Réalisez les cas. Mais il y a l'Azam. Et les sifat que Allah, il fait quand il veut et comme il veut, on les appelle également sifat irtiyariya. Sifat irtiyariya. L'irtiyar, ça vient du choix. D'accord ? Ça s'appelle kazalik, si tu entends sifat irtiyariya, ce sont les sifat que Allah subhanahu wa ta'ala, fi'aliya, il les fait quand il veut. Selon sa machia. D'accord ? Ou des sifat qui ont lieu à des moments et pas à d'autres. La salen et la ghadab. Une sifat illa. T'as même, est-ce qu'Allah est tout le temps en colère ? Là. Et rida, une sifat illa, l'agrément. Est-ce qu'Allah est tout le temps dans l'agrément ? لكن صفات الله لم يزل به متصفا ولا يزل il les a toujours eu et il les a toujours mais elles ont lieu à des moments et pas forcément à d'autres. Donc eux ils disent quoi les parmi ceux qui ont refusé cette صفات là il y a al jahmiya comme قال الشيخ العثيمين قالوا ليس الكلام من صفات الله وانما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء او في المحل الذي يسمعه منه وإضافته إلى الله إضافة خلق أو تشريف مثل ناقة الله وبيت الله. Donc ils disent quoi que le kalam d'Allah, c'est pas une de ses sifat. C'est une créature. C'est une chose qu'Allah a créée. Taïb, il a créé. De sorte qu'on l'entende. Et le fait d'attribuer, d'apparenter ce kalam à Allah, comme on dit kalam Allah, c'est pas le fait d'attribuer une sifat au moussouf, mais c'est le fait d'attribuer une chose par noblesse envers cette chose-là, envers le créateur. Comme on dit, مثلا, ناقة الله, la chamelle d'Allah. Ubaytullah, Amidullah. Ça, ce ne sont pas des sifat. Lakin, là, il y a une qaïda, c'est quoi? Kulluma wa kullu ayn la yakum bi nafsihi. Les choses qui ne peuvent se tenir par elles-mêmes, lorsqu'elles sont attribuées à Allah, sont sifat. Et les choses qui tiennent d'elles-mêmes, indépendantes, qui sont attribuées à Allah, c'est idafat al-tashrif. Comme par exemple, Saifullah. Une épée, c'est une chose qui existe d'elle-même, dans le sens que une épée peut toute seule. Baytullah, c'est une chose qui est toute seule. Naqatullah, la chamelle. Taïeb, mais le kalam, est-ce que c'est une chose qui peut être toute seule? Là. Ou, mathalan, al-mahabba, ou l'ilm, toutes ces choses-là, lorsqu'elles sont attribuées, c'est une sifa. D'accord? C'est pas idafat al-tashrif. C'est même bab, idafat al-sifat, il est moussouf. On attribue l'attribut, on attribue l'attribut, quand même, à la chose décrite. Adam. Comme ça, tu différencies. Car des gens vont dire, non, ça c'est pas sifa. Ils vont dire, pourquoi alors Naqas sifa d'Allah, ils vont dire, la chamelle. Ils vont dire, non, ça c'est une chose qui tient toute seule en elle-même. Ama, comme al-kalam, ou comme al-ilm, comme al-mahabba, comme al-basar, ghayr dhalika, ce sont des choses qui, elles, à la base, ne viennent pas toutes seules. Donc ces choses-là, lorsqu'elles sont rendues mudaf à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bab, Sifa attribué au moussouf. Comme ça, tu arriveras à différencier. Parce qu'on a joué avec ça. On dit, mais c'est Saifullah. Est-ce qu'Allah, il a une épée? On dit comme ça. On dit, non, une épée, c'est une chose qui est à part. Toute seule. D'accord? Toute seule. Mais est-ce que tu dis, on va entendre un kalam tout seul? Un kalam, il y a forcément quelqu'un qui l'a dit. Alors qu'une épée, elle peut être toute seule. Elle peut n'appartenir à personne. Elle a été délaissée, elle est tombée. Ah, mais un kalam. Le kalam, lui, quand tu l'entends, c'est quelqu'un qui l'a parlé. Fahimtal? Naam. Et كذلك في قول الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. Je suis certes Allah qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré en dehors de moi, alors adore-moi. Qui autre que lui pourrait dire cela? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et le deuxième. Donc l'autre ta'ifa sont les Asha'ira. يقولون كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته. وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن معنى القائم بنفس الله. Qui dit que le kalam d'Allah c'est une chose, je sais pas comment on dirait, on traduirait. c'est une chose située par elle-même qui n'est pas liée à sa mashia. Et que ces huruf et ces sons qu'on entend, cette voix qu'on entend, sont des choses créées qui viennent exprimer, comme on l'a dit tout à l'heure, ce que Allah veut faire savoir. Ce qu'il y a en Allah pour faire savoir à la créature. Mais ça ne vient pas de lui, ça n'émane pas de lui. Le but de ce kalem vient d'Allah, mais le kalem en lui-même qu'on entend nous, n'est pas de lui. D'accord, c'est un, comme on dit, c'est un moyen, c'est une création qui nous fait savoir ce que Allah SWT veut nous faire savoir. Et on dit, ça c'est batil, que ça khilaf l'ijma' al-salaf, ça s'oppose à Dillah, que le kalem d'Allah, on l'entend, et on n'entend que ce qui est forcément un son, ou une voix. Et que ذلك, kalem, fi lughati al-arab, yutla kalama yuqal. C'est pas une chose qui exprime. C'est une chose qui se dit, qui se prononce. Donc on reste sur le asl. Un kalem chez les Arabes, c'est ma'louf. Non, hada, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui par rapport à sifat du kalem. وغدا إن شاء الله سنأخذ القرآن وإن شاء الله الرؤيا لنوم قصير. فهمت هذا؟ قصص كذلك كتاب كي ريزومي عام سي ريزومي سي با لون الحمد لله. عام شيء تعلم أن الله له كلام عن صفات الكلام كي بارل تمام دون فوا افيك دي سون اي افيك دي حروف اي اون كومبران سكي لا دير. Et certains ont entendu sa parole et sa voix directement. Naam. Fa'ilahuna. Walhamdulillah bil alamin.